allongé sur la plage. Sur ça qui est pur. La plage. C'est entre celles des nudistes, parmi les blocos désaffectés et les chaises longues des plages privées, arrosées abondamment du tube de l'été. Un short vert flou fluo sur le sable. Face au vent, laissant entrevoir les cuisses poilues du voisin de droite. Il est assez loin, il n'y a pas grand-chose ici. Le sable désert appartient à l'État. Face à la mer, il y a deux orphelinats vides. Aux fenêtres rébarbatives, à rideaux violets ouverts. En face, à droite, une femme. Elle ajuste les bretelles de son soutien-gorge. Il s'enfonce dans sa peau. L'homme, son homme, à ce moment, regarde le corps de sa femme. Il la regarde comme si elle était sans contour, comme si elle était un paysage dans lequel il venait de plonger. Allongé sur le sable.